Bon après-midi à tous et à toutes, au public nombreux ici à la librairie Pantoute, aux gens qui nous retrouvent également sur Facebook Live. Et donc pour cette deuxième édition du Club de lecture de la vie en BD à la librairie Pantoute. Alors comme d'habitude, je contextualise et on a le plaisir de participer collectivement à une émission de radio hebdomadaire, La vie en BD, qui est diffusée en saison de septembre à mai sur les ondes de CKRL 89.1. Et au fil de l'année dernière, on s'est forgé, on s'est formé donc ce club de lecture de plus en plus formel. Et ben, on a eu envie de poursuivre avec donc ce club au fil de la saison estivale, donc une pause radio, mais on a envie donc de poursuivre les échanges, les discussions. Donc par on, qui entendais-je? Eh bien d'abord Jérôme Vermette, bonsoir. Bonsoir. Édouard Tremblay, bonsoir. Salut Raymond. Marco Duchesne, bonsoir. Bonsoir. Et Raymond Poirier, c'est mon nom. Alors, donc, on s'est dit qu'on allait échanger donc autour de la bande dessinée. Et le concept qu'on a en saison régulière, c'est que chacun, à notre tour, en lien avec une thématique qui peut être autant très, très large que très précise, eh bien, on se propose des choix de lecture. Donc, quatre titres qui sont proposés par l'un d'entre nous, lus par l'ensemble et discutés ensuite par l'ensemble. Et pour la saison estivale, on s'est dit, faisons les choses différemment, puisque à un moment donné, on va peut-être arriver à ne plus avoir de choses à se suggérer au sacrilège, sait-on jamais. Alors, on s'est dit, ben, pour les trois mois de l'été, donc pour juin, juillet, août, on allait convier un lecteur invité à nous suggérer quatre titres et à en discuter avec nous ici, chez Pantoute, succursale rue Saint-Jean. Alors, pour le mois de juillet, on a le plaisir d'avoir avec nous un lecteur invétéré, collectionneur de bandes dessinées, Yves Bergeron. Bonsoir. Bonsoir. Merci de te prêter au jeu. Un plaisir. Et pour ceux qui découvrent le club de lecture, qui se demandent un peu comment ça fonctionne, eh bien, très simplement, donc, dans un premier temps, Yves, vous nous expliquez pourquoi il nous a imposé ces quatre titres et nous les présenter brièvement. Ensuite, une fois qu'on aura découvert les raisons derrière ces propositions et le cadre un peu de tout ça, eh bien, on en discute de manière libre et ouverte. Généralement, en fait, pour lui mettre un peu de pression aussi, c'est Édouard qui s'occupe des transitions entre les albums. Donc, ça a été décidé au vote antidémocratique. Donc, il y a la lourde tâche de trouver des ponts entre les éléments et de faire émerger l'essence de notre discussion. Alors, c'est un peu le cadre de ce club de lecture. Alors, ben Yves, je me tourne vers toi. Donc, pourquoi nous as-tu proposé ou infligé ces lectures selon la perception qu'on en aura? Effectivement, je fais beaucoup de lectures BD. Et ces albums-là, ces quatre choix-là, parmi peut-être les centaines que j'ai lues dans les trois dernières années, c'est quatre BD qui m'ont profondément touché de différentes façons. Et il y a un thème qui les unit, ces quatre BD-là. Je vais vous laisser vous exprimer à ce sujet-là à la fin. Mais au niveau des émotions qui viennent nous chercher, un de ces premiers albums-là, Un tout petit bout d'aile, c'est un album qui nous prend par surprise quand on en commence la lecture. Le sujet principal du livre n'apparaît pas dès les premières pages. C'est au milieu du livre qu'on s'en rend compte. Et j'imagine qu'on va en parler peut-être un peu plus tard. Le deuxième livre, celui-là, Le perroquet, on en sait peut-être un peu plus en lisant le dos du livre. Ça concerne la maladie mentale d'une femme ou d'une mère. Et c'est le fils de cette femme-là qui, par ses yeux, nous fait ressentir toutes les difficultés par lesquelles lui a passé. Dans cette malheureuse affliction-là de sa mère. Dans les jours qui disparaissent, on fait connaissance avec un jeune homme, un acrobate, qui est très sympathique, qui est entouré d'amis, tout ça, et qui, à un moment donné, se rend compte qu'il perd une journée de sa vie sur deux. Et c'est comme si il se couche le vendredi, puis oups, il va se réveiller le dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé le samedi? On n'en sait pas au début. Et au fil du temps, comme ça, il finit par perdre de plus en plus de temps dans sa vie. Et on finit par découvrir que ce même corps-là est habité par deux personnalités différentes. Il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. Et c'est assez déchirant de voir finalement comment ça se termine, ça. Là. J'aime bien le « assez déchirant ». Une belle économie. Je l'ai pas beaucoup honnête. Et le dernier, et non le moindre, aujourd'hui est un beau jeu pour mourir. C'est un livre où le sujet, si on, le sujet principal est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a un virus qui se propage sur la Terre, qui est à décimer peut-être le 90% de la population. Mais outre cette trame simple-là, il y a beaucoup d'autres trames qui se tissent là-dedans, qui en fait quelque chose qui est assez, assez dense au niveau des personnes qui vivent cette situation-là. Et tout à l'heure, Jérôme disait qu'on aurait pu passer toute notre heure à parler de ça. Effectivement. Fait qu'il va falloir qu'on se garde un peu de temps. On compte sur Edouard. Alors, c'est les quatre titres proposés au Club de lecture par Yves Bergeron. Quatre titres, en fait, je pense qu'on le dit à la blague, mais j'ai peut-être envie de lancer la discussion là-dessus. C'est, en fait je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai fait l'erreur de lire un à la suite de l'autre. Et vraiment, ça vient remuer des choses dans nos tripes, dans nos tréfonds. C'est des BD qui nous laissent tout sauf indifférents. Et à la limite, même selon certaines lectures, c'est soit ébranler l'ambiance de la journée qui est un peu scrap, dans le sens positif du terme, évidemment, parce que tu as vécu quelque chose, mais c'est difficile après. Tu as besoin de moments de pause, puis d'autres où tu les pleurs viennent aussi. Je veux dire, au fil de la lecture, je pense au perroquet, par exemple, difficile, mais qui est fait pas pour. Et c'est important de le spécifier, c'est pas une BD qui est remplie de pathos. Non. D'ailleurs, d'emblée, on parle de maladie mentale, on parle de la maladie mentale, mais du point de vue de l'enfant. Et c'est pas fait pour susciter des émotions, des larmes, des pleurs, des choses comme ça. C'est vraiment une présentation entre humour, tristesse. C'est empreint de vérité avec un peu de naïveté. Et on dirait que l'effet de tout ça, combiné avec les éléments amenés par le visuel, les colères de la mère, les crises, la façon qu'ils sont amenés dans le dessin, dans la couleur, je veux dire, tout est là, parfaitement équilibré, et ne peut que, dans cette presque perfection-là, susciter justement ces émotions. Ouais, justement, tu parlais de vérité, et puis je pense que c'est quelque chose qui... Je sais pas, pourquoi le perroquet est aussi fort, c'est l'authenticité de la chose. Parce que justement, comme tu disais, non, ça tombe pas dans le pathos, mais ça montre que des fois, il y a des jours un peu moins gris, que des fois, il y a des moments, il y a la perspective enfantine qui va rajouter aussi sa couleur à tout ça, qui va venir atténuer certaines douleurs, ne serait-ce que par mécanisme de protection du jeune homme. Hein. Mais, et donc, de par cette authenticité-là, je pense que c'est qu'on retrouve peu ou prou quelque chose qu'on a tous vécu d'une manière ou d'une autre, parce que c'est surtout, bon, la maladie mentale, c'est endémique, il y en a partout, mais n'importe quelle situation comme ça où on voit nos proches qui perdent pied ou qu'on peut pas soutenir, ben c'est inévitable et ça amène, bon, j'ai l'habitude de parler un petit peu du lien entre les quatre d'entrée de jeu, mais ça me plonger trop, mais je pense qu'on est au cœur de l'identité, moi en tout cas c'est pas mal ce que j'ai vu dans les quatre, mais c'était cette identité-là, comment la mère se forme bien sûr à travers, en dépit de sa maladie, mais au-delà de ça aussi, comment le jeune homme, un peu comme dans David B., comment notre identité propre est toujours tributaire, est toujours fonction de ce que l'autre en fait nous fait vivre au-delà de ça. Là. Oui, parce que la maladie, dans le fond, devient un élément formateur de la petite enfance et de l'enfance de ce jeune-là, intrinsèque à la relation qu'il a avec sa mère. Autant il y a deux pages qui sont absolument superbes où il nous montre une journée parfaite, une belle journée parce qu'il n'y a pas que des mauvais moments. On va chercher là-dedans et lui-même le dit, c'est dans le fond, il en profite. Sa mère le sait, lui le sait. Et donc, il y a un certain malaise dans le bonheur aussi parce que tout le monde qui vit ce bonheur-là dans ce bouquin-là sait que ce bonheur-là est fugace et que la chute va revenir inéluctablement. Mais il y a quand même quelque chose qui rend le récit quand même un peu difficile. C'est pas juste la maladie mentale de la mère qui est pas juste une simple dépression, hein. Ça frise la schizophrénie par moment, c'est assez intense. D'ailleurs, je me souviens, il y a une planche, une double planche où on voit la mère hurler la nuit. Là. Ça, c'est intense et dans le dessin et dans la manière dont le narrateur qui est le petit garçon l'exprime. Là. Mais l'époque où ça se déroule, il est pour quelque chose aussi, je trouve, dans le drame qu'on vit. Donc, à l'époque où les maladies mentales sont pas vues encore avec une ouverture, une certaine ouverture comme on le voit de nos jours, le père qui est le grand-père du narrateur, qui est hyper conservateur, hein, non, qui disait à sa fille, réveille-toi, arrête de pleurer toute la journée, tout ça. Et puis, ah ouais, c'est ah oui, c'était pas ça que je pensais, mais oui, ça, c'est une image. On fait beaucoup de choses sur Facebook, là, vraiment. Et les autres qui nous suivent plus à l'audio, dans le fond, une page rouge. Vraiment, l'explosion, on sent, tu sais, en fait, ici, c'était un parallèle où le ouais. père, dans le fond, dit à un moment donné, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on la fasse brûler? Le père a l'ouverture. Le père commence à comprendre la vision conservatrice de la maladie mentale, donc qui lui relie au Moyen-Âge, effectivement, par rapport au progrès qu'on voit tranquillement pas vite. Mais c'est aussi le d'amour hein, du fils à sa mère. Je suppose que c'est l'auteur, d'ailleurs. On oui, peut ce dire... récit auto-fiction. Oui, c'est ça, hein, parce que malgré l'avant-dernière planche qui m'a scié en deux, là, et puis j'en parle pas plus, la dernière, l'épilogue, dans le fond, il y a quelque chose de poétiquement beau et doux, hein, d'une certaine manière. Puis c'est là que ce fait... Ouais, c'est ça, effectivement, relié au titre. Et là, le titre apparaît dans son dans toute sa splendeur. Et ce n'est qu'à la fin qu'on le comprend. Là, c'est là que le pathos disparaît totalement. Puis qu'on fait, mon Dieu, mais quelle belle bande dessinée, malgré l'intensité des sentiments là, qui sont apparus. Hein. Marco? Moi, ça m'a rappelé... À une époque où j'étais jeune et j'avais des cheveux, un livre était sorti et ça s'appelait « À 5 ans, je m'ai tué ». Oui. Je me rappelle plus de l'auteur où un petit garçon, encore une fois, nous raconte un truc, un drame et tout. Alors, ça me rappelait beaucoup ça. Et ce que j'ai, surtout ce qui ressort du perroquet et de l'auteur, du génie de l'auteur, mm-hmm. c'est de nous raconter la vision de cet enfant-là, évidemment, il y a peut-être 5-6 ans, mais avec l'état dans lequel on peut appréhender ce genre de choses-là à 5-6 ans, c'est-à-dire, là, un adulte voyant quelqu'un atteint d'une maladie mentale, que ce soit la schizophrénie ou peu importe, un adulte peut y aller avec des subtilités, comprendre, expliquer, mais pas l'enfant. L'enfant, c'est brut. C'est pour ça qu'il y a la peur, il y a le bonheur, et il n'y a rien entre les deux, là. Mm-hmm. Et c'est magnifiquement reproduit par le dessin. Les couleurs, la narration, ces pleines pages-là frappent parce que c'est un enfant de 5 ans qui dit « garde, moi, ça frappe, là ». Alors, je pense que on parlait d'intensité du récit, il vient de là. Il vient du fait que l'auteur maîtrise... Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait fait SP avant ça, mais là, il maîtrise, mais non seulement la narration, mais il maîtrise son scénario. Et d'ailleurs, c'est un des traits communs aux quatre, les choix que tu as faits, c'est quatre albums avec des scénarios, mais solides, là. En BD, c'est facile de se perdre. Non, en BD, en fiction ou peu importe, c'est facile de se perdre. Mais là, c'est une maîtrise. Et celui-là, entre autres, c'est une maîtrise du scénario, mais encore une fois, ne jamais, jamais déroger de la perspective de l'enfant. C'est autobiographique, OK, mais ne jamais déroger de la perspective, wow, chapeau. Et à la limite, même si on ajoute un peu à l'idée de la perspective, l'album est présenté comme en courtes anecdotes, en courts moments, mais dans l'absolu, justement, dans le souvenir qu'on a de notre enfance, entre moments signifiants et insignifiants, moments heureux et malheureux, on n'a pas une chronologie suivie, on a une série de flashs de moments marquants, dans le fond, qui viennent nous animer. Donc, d'un côté, on accentue un peu l'idée de souvenir, l'idée de perspective d'enfance qu'on a là-dessus, et en même temps, on fait une série de petits crescendo, de petits moments qui viennent servir, dans le fond, un énorme crescendo vers, justement, cette finale-là. Un peu comme l'adulte qui va dans une séance, peut-être, de psychanalyse, et aujourd'hui, je me rappelle de tel... Il y a ça aussi. David, ouais. B, c'était comme ça. Oui, c'est ça. Mais même à ça fonctionne aussi. Mm-hmm. Oui, avec les petits moments, puis on construit comme ça, là, on tisse la toile. Et tout ça, je pense, parce qu'on a sûrement parlé d'intensité, on parlait de comment il rend bien les moments épisodiques et tout, mais tout ça bien servi par la monochromie qu'il utilise, parce que c'est rendu un processus qui est, à mon avis, qui commence à être galvaudé, parce que surutilisé, maintenant, c'est pratiquement une tendance incontournable dans la BD européenne, on va utiliser la monochromie pour changer les ambiances, mais... il ne suffit pas de juste appliquer une couleur à plat à la grandeur de ta page pour créer quelque chose. Faut que ça ait une signification, faut qu'il y ait une transition, faut qu'il y ait une finesse, une subtilité dans la façon dont on va ponctuer ça, dont on va faire alterner ça. Et ça aussi, je pense que c'est apporté au crédit de SP. L'usage des couleurs est bien sûr pas innocent, mais il recèle aussi, je pense, une grande intelligence dans la conception du scénario, et de ce côté-là, j'abonde comme Marco, je vous ai les quatre scénarios sont juste en tout point éblouissants. Mais dans cet album-là, moi aussi, ce qui m'a touché, outre le fait qu'effectivement, c'est par le regard d'un enfant qu'on perçoit cette maladie mentale-là, mais en tant que lecteur et en tant qu'adulte, moi, j'ai été beaucoup touché par la résilience des personnes qui sont impliquées là-dedans. Le père, là-dedans, c'est un saint. Il s'en va au ciel, c'est sûr. Et, fait que, au-delà du fait que, oui, on est un enfant, puis on imagine l'enfant, comment est-ce que ça peut être dramatique pour lui, mais nous, en tant que lecteurs, on va plus loin que ça. On imagine dans la vraie vie comment est-ce qu'on vivrait cette situation-là. Et je pense que c'est là que ça vient nous chercher en dedans. Puis, j'ai lu cet album-là plus qu'une fois. Et la dernière fois que je l'ai lu, j'avais encore les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas me rendre à la fin sans m'essuyer de temps en temps. Fait qu'il faut croire qu'à quelque part, même si on sait vers où on s'en va, ça nous touche quand même pareil. Mais ça, c'est la force du scénario, au bout du compte, la force des moteurs, des outils qu'il a mis au service de son scénario d'un point de vue visuel. Et en même temps, tu amènes les adultes, je ne sais pas si vous avez eu la même perception, mais ça nous montre aussi différents types, dans le fond, de réactions, de postures qui sont un peu exacerbées, dans le fond. Le grand-père qui est dans le déni un peu de la situation, d'acceptation, la grand-mère qui est peut-être plus dans... qui essaie de l'ignorer. En fait, chacun essaie d'amener quelque chose d'autre aussi vers l'enfant. C'est la grand-mère qui essaie de faire comme si le père qui essaie de la rendre disponible, etc. Donc, chaque parent a un peu sa posture, la mère aussi dans ses différentes relations, donc ses différents regards en maladie, en crise, hors crise, etc. Donc, c'est un jeu d'équilibré, j'ai l'impression, cet album-là. Et dans le fond, tu amènes justement la force de l'outil bien utilisé, bien amené, bien intégré, ben, va permettre de pousser plus avant le scénario, va nous donner peut-être aussi la part de la BD. Dans le fond, pourquoi ça, on le raconte en BD? Pourquoi on réussit à bien le raconter en BD quand on réussit à mettre tous les outils sans non plus faire du conceptuel, sans non plus pousser pour que ça soit flash et le reste? Donc, on réussit à le faire, mais avec subtilité. Il y avait, c'est ça. Et le choix aussi de comment tu vas le raconter graphiquement, là, évidemment, on s'arrête au dessin. Parce que je mets en parallèle... les petites victoires de, je me rappelle plus de son nom, Roy, qui lui aussi, autobiographique, lui aussi raconte un drame aussi dans le, mais là tout en douceur, avec un dessin aussi réaliste que peut-être celui-là peut l'être, évidemment, mais c'est la façon dont narrativement on fait les choix pour exprimer ici la vision de l'enfant de 5 ans avec ces drames-là, ces crises qui font peur, ces discussions qui angoissent, avec les petites victoires, là aussi, mais tout... Les petites victoires, c'est du point de vue de l'adulte. Oui, c'est ça. Alors, le choix graphique aussi compte beaucoup pour l'efficacité des albums. Oui, puis je pense que les crises, justement, rendues à travers le regard de l'enfant sont aussi magnifiées. Je veux dire, la voix, quand tu parles de sa danse, qui nous ramonte visuellement sur une page rouge, on la voit un peu... c'est désarticulé, presque. La visite à l'hôpital psychiatrique, hein, les patients, comment l'enfant les voit, ça reste toujours dans l'imaginaire en même temps. Mais... c'est peut-être un peu, tu parlais de David B. tantôt, parce qu'on avait fait le lien, en fait, avec l'ascension du haut mal qu'on avait lu dans un autre club. Et justement, l'idée du passage des événements de la réalité vers l'imaginaire. Et dans cet album-là, se font un peu aussi par le jeu, où à un moment donné, lui, quand il les raconte, il les amène, il fait les parallèles avec les super-héros et le reste. Donc, il y a déjà un passage vers l'imaginaire. La cour d'école. Et ajouter justement des éléments comme la visite, où on fait ce passage-là aussi tout naturellement, et où l'enfant nous présente à travers son imaginaire à lui, comment il va magnifier un peu l'expérience qu'il est en train de vivre. Ouais, voilà. Ben, la différence, par contre, avec David B., c'est que David B., des fois, utilise le récit de son frère pour parler de lui longuement. Là, donc, on est dans le roman graphique, alors que lui, son fil d'Ariane, il le suit constamment à chaque anecdote. On voit l'évolution de la maladie de la mère, puis comment lui vit avec ça. Là. Donc là, effectivement, on voit le jeune qui imagine sa mère en super-héros parce qu'elle a subi des électrochocs. Il faut s'imaginer, hein, c'est quand même particulier. C'est le côté doux amer un peu qui amène. En fait, l'humour arrive du tragique ou des difficultés aussi, puis on passe vraiment d'une émotion à l'autre ou de plusieurs émotions en même temps aussi. Je pense que ça ajoute un peu à la force de l'album. Bon, évidemment, non, les unes sur le genre. Cet album-là, on vient de parler, le Perroquet, il est assez intense, mais tu sais, tout à l'heure, quand j'ai fait mes choix, je vais commencer par celui-là, qui était un peu plus, qui est moins intense, mais le sujet est assez bien circonscrit, et c'est aussi touchant dans le fait que c'est pratiquement commun dans le monde entier, ce qui se passe là-dedans. Et il n'y a pas grand monde qui en parle tant que ça. Puis même les proches des personnes à qui ça arrive n'osent même pas en parler. Mm-hmm. Ici, c'est un livre sur l'excision. C'est un truc qui... je savais que ça existait, mais je ne savais pas à quel point c'était aussi répandu à travers le monde. Et là, ici, on prend comme environnement pour développer l'histoire, le Congo. Qui est exploité en partie par des Chinois qui se retrouvent là-bas. Et quand on commence le livre, on prend conscience de cet environnement-là, tranquillement. On voit la façon dont les gens vivent là-bas. C'est pratiquement nonchalant, la façon dont le livre commence, jusqu'à une page choc, la page 32, où là... Là, on découvre qu'est-ce qui se passe avec cette jolie femme-là, de toute façon, là, qui a subi une excision. Et on apprend là-dedans que l'excision, dans ce contexte-là, c'est pas quelque chose de lié à la religion. C'est culturel, c'est une habitude qui s'est prise avec le temps et est répandue à travers le monde via l'immigration. Et... ça touche encore là, comme tu l'as dit, là, l'intégrité de la personne, ou là, l'intégrité sexuelle de la personne, avec les conséquences psychologiques que ça peut avoir. Et ça aussi, c'est pas présenté d'une manière agressive pour venir, pour nous provoquer. Non, c'est, on le découvre, on est choqué de le voir, mais c'est pas présenté d'une façon brute pour... On n'essaie pas de le démoniser, dans le fond, on essaie juste de montrer la réalité de la chose, puis tout ce que ça engendre, puis bon, d'essayer de l'inclure aussi dans un cadre culturel. Mais ça, c'était, et Jérôme et Raymond pourront le dire aussi, c'est quand on étudiait l'histoire, c'est toujours aussi un point que les enseignants, nos tenaient toujours à nous rappeler, de dire qu'il faut faire toujours très attention d'amener notre jugement à nous sur une autre période, sur une autre culture, sur une autre réalité. Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas l'objectivité qu'il faut pour essayer de comprendre ça. Mais c'est vrai aussi, parce que pour revenir à un tout petit bout d'elle, il y a une grande finesse, il y a une grande délicatesse dans la façon dont c'est amené. Et qui ajoute à la force de ça, et qui, je pense, aussi donne son sens à tous les personnages, parce que justement on parle d'intégrité, on parle d'identité, mais oui, il y a l'identité évidemment de cette jeune fille-là qui se retrouve contre son gré confrontée à ça, mais bien sûr l'identité de la mère qui l'a déjà vécu, et même l'identité bon, de son copain chinois qui lui-même doit se positionner, à savoir, parce que c'est assez clair dès le départ que les ouvriers, on ne veut pas qu'ils se mêlent aux locaux, on veut pas qu'ils entretiennent de relations, on veut pas qu'ils... C'est très très très très très circonscrit, c'est presque une apartheid industrielle là, qui est mis en place là. Et bien inévitablement le personnage aussi, l'amant chinois aussi, lui-même doit décider où il se positionne, est-ce qu'il se dresse contre ça, est-ce qu'il fait quelque chose en dépit de ce que ça peut lui amener comme conséquence. Et oui, cette magnifique scène où l'image en fait de la mère lorsqu'elle était jeune étreint celle de sa jeune fille, mais ça rend bien, je pense, justement, quand je parlais de cette subtilité, de cette douceur, de cette finesse, c'est ce qu'on trouve là-dedans, là. C'est absolument éblouissant. En fait, la tendresse dans l'horreur, d'une certaine façon, dans une forme que nous, on perçoit comme, ben, parce que pour eux, c'est un passage. Qui nous permet de survivre à l'horreur, tout bonnement. Là. Jérôme, tu avais l'air de réagir en silence. Moi, ça, je ne sais pas comment le prendre. On en a parlé un peu, on a échangé un peu, toi puis moi, sur les albums de tantôt, puis... Moi, des quatre, c'est celui que j'ai le moins aimé. Là. Puis c'est pas à cause du sujet en partant. Il a pris un sujet vraiment pas facile. Déjà en partant, moi, on parle de violence sexuelle, ça soit fait aux femmes ou aux enfants, je trouve que c'est un sujet extrêmement pénible. Mais et malgré tout, bon, la force de cette bande dessinée-là, moi, le découpage et le dessin, mais c'est le récit que je n'ai pas embarqué. Et je m'explique, c'est que j'ai l'impression que Zidrou, qui est pourtant une espèce de scénariste rockstar, là, du moins ce que j'ai comme impression, mais moi, bon, j'ai toujours un peu de misère avec ses récits. Il a plein de sujets hyper intéressants, dont les civils, dont la colonisation du Congo par les Chinois, dont on sait que c'est de plus en plus, ça se fait de plus en plus. Comme tu disais, espèce d'apartheid industriel, j'aime bien l'expression d'ailleurs, je trouve ça très fort. Je suis fort. Mais on dirait qu'il prend juste des photos. Regardez ce que j'aurais pu parler, puis je fais juste le survoler, puis c'est pour ça que j'ai moins embarqué à cause de ça. Ça, c'est juste mon point de vue. Je trouve qu'elle fait pas autant le poids à côté des trois autres qui sont d'une densité, puis qui prennent leur sujet de front, là, en tant que tel. J'aurais pris plus. Et pour pas t'abandonner, justement, dans cette posture-là, ce qui ressort beaucoup pour moi aussi de cette BD-là, c'est ces trois moments très, très forts d'un point de vue visuel. On vient de parler un peu de la jeune fille qui est très sa jeune fille, donc ça, c'est une image qui est très... forte. À un moment donné aussi, on nous présente un parallèle un peu entre la déforestation et le choc qu'on fait à ce continent-là, et le parallèle dans la thématique, la bande dessinée aussi, pour reprendre un peu des termes de tantôt, dans le fond, on nous amène un peu dans ces éléments. Donc, il y a des moments forts, mais on passe tellement de temps dans cet album-là à nous introduire, dans le fond, la dynamique, la relation, le cadre, que quand on arrive à la situation à proprement parler, eh bien, il y a un peu comme un côté où on voudrait poursuivre, on voudrait savoir comment justement ces personnages ont réussi à traverser ce moment-là. Parce que mais on nous envoie. Hein, oui, mais très charismatique aussi, dans la force de dialogue, la manière d'amener les choses. On construit vraiment quelque chose d'intéressant. Et j'ai l'impression qu'on le laisse de côté au bout du crescendo pour après ça faire une chute assez drastique, se retrouver avec un épilogue un peu classique finalement. Et donc, je me posais la question, est-ce que ça donne plus de force à la BD de finir, au bout du compte, sur le crescendo? Ou est-ce qu'après le crescendo, ben, on aurait pu avoir justement un deuxième ou une suite ou un 40 planches de plus qui nous permet d'explorer les conséquences de tout ça? Peut-être que le scénariste, là, je pose la question, puis c'est peut-être des fois le genre de récit auquel je ne suis pas embarqué. Peut-être que le scénariste lui-même veut qu'on extrapole sur tous ces sujets-là. Il veut juste... Faire prendre confiance, puis effectivement, c'est peut-être que c'est ça, effectivement, que j'aurais pu... J'ai pas lu les deux autres parenthèses de la trilogie africaine de Zidrou dans mon cas, plus, ouais. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a trois albums qui s'intéressent justement à différentes réalités de l'Afrique à travers son regard de scénariste, donc peut-être que ça aussi qui manque à ma contextualisation de la démarche de Zidrou là-dessus. Et juste pour finir quand même, là, des bons points, effectivement, le dessin, les planches que vous avez montrées, c'est tout ça est magnifique. Il y a des scènes très belles hein, aussi. Là, vous voyez, je suis en train déjà de me reprendre. Je repense à une scène où la première fois on voit la jeune fille, c'est le Chinois qui va voir la famille en question. Et là, on voit le grand-père qui montre à sa jeune fille et tout ça. Ils passent du bon temps ensemble, mais quand il vient le temps du moment de l'excision, tout le monde recule, c'est une affaire de femme. Et puis, donc là, ça rend. Vous voyez, là, déjà, là, je t'en rends compte, il y a quand même des moments forts dans le Big Bang. Il y a beaucoup de moments forts, en fait. C'est loin d'être une mauvaise BD. Non, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Oui. Je parle dans ce cas-ci, Zidrou, moi, j'adore Zidrou, cette façon qu'il a de. En fait, Zidrou arrive avec des sujets et arrive avec une façon de raconter. Et surtout, les sujets qu'il choisit souvent sont un peu... Je prends sa série pour enfants, Boule à zéro. Boule à zéro, c'est une série humoristique sur un petit garçon qui fait de la chimio dans un hôpital. Alors, c'est des blagues, c'est une page ou deux sur ce petit garçon-là. Il connaît tout le monde sur l'étage et tout. Et c'est comme si il voulait nous parler, en fait, de la maladie chez les enfants. Mais là, avec cette façon de faire, c'est comme, pas banaliser, mais la rendre aussi quotidienne. C'est-à-dire que l'excision est un sujet, là, c'est un sujet grave, c'est un sujet à documentaire, c'est un sujet à roman graphique, reportage, mm-hmm. à BD reportage. Mm-hmm. Mais pas ici. Pas avec ça. Zidrou a décidé de raconter ça du point de vue humain, mais du point de vue d'un humain en particulier. Et il le fait, genre, un coup que... Moi, ça me donne toujours... Quand je lis Zidrou, surtout celui-là, il y a le débat sur l'excision. Là, on pourrait s'asseoir et débattre. Et là, on sent que ça pourrait monter, on pourrait s'énerver là-dessus, puis tout ça. Et là, un coup que l'humeur et les émotions tombent, on peut se raconter une histoire comme celle-là, qui parle de ça. Et cette façon-là, surtout, bon, là, encore une fois, le graphisme et la façon de narrer l'histoire. Zidrou a le choix, fait un excellent choix de ses dessinateurs, incroyable. Et c'est comme si, là, une fois que l'émotion est tombée sur le sujet, là, on en arrivait à, voilà, comment ça se passe chez quelqu'un. Comment ça se passe chez quelqu'un qui l'a vécu, mm-hmm. Elle, puis autour d'elle, et comment ça se passe si elle rencontrait quelqu'un à qui il faudrait qu'elle l'explique. Mm-hmm. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais, de ne pas tomber dans une espèce de truc de victimisation, peut-être. La matière est forte. De pathos, ou de peu importe. Là. Il y a ça aussi, cette espèce de moment-là. Et moi, je l'ai vu comme ça. Mm-hmm. Et c'est ce que j'aime chez Zidrou. Quand il arrive avec des sujets comme ça, c'est comme si après le débat, après avoir... Voilà, là, je vais te raconter une histoire avec quelque chose que notre société est pognée pour réfléchir, mm-hmm. Se parler, se débattre, mais il y a aussi des humains qui le vivent et qui n'ont pas envie de débat, ils n'ont pas envie de... Mais ils ont envie de témoigner, ouais. De témoigner. Voilà, c'est un témoignage. Ah, je l'ai trouvé. Merci, les gars. Jérôme et Édouard, en fait, Jérôme Topin, tu réagis, je te ferais peut-être réagir un peu au micro, parce que tu commentais hors micro, donc je te lancerais peut-être sur ce que Marco a dit. Il faisait juste l'écho. Non. Il faisait juste l'écho? Ouais, non. Ah, mon bleu. Alors, Yves puis Édouard? À la fin, vous disiez que il y a des crescendo un peu trop... brutal. Ouais, on est dur, hein? Ouais. Ouais. Mais, on s'en permet, c'est Zidrou. Ouais. Mais je le vois comme le fait que, malgré tout, okay, encore aujourd'hui, en 2019, l'excision, il s'en fait tous les jours, puis mm-hmm. les gens continuent à vivre encore. Puis ici, c'est ça qui se passe. La vie continue, puis oui, il y a eu des excisions, la petite fille, elle va grandir avec ça, elle va devenir comme sa mère, puis finalement, c'est comme si c'était rendu une banalité. Mm-hmm. Fait que l'auteur ne porte pas de jugement là-dessus. Non, ça, c'est clair. Il nous laisse avec l'idée de tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas une finale dramatique. Qu'on nous amène tranquillement vers l'événement. Il y a vraiment tout le crescendo de l'album. Et après ça, Wolf va regarder. Finalement, la vie a continué malgré tout parce que la vie fait son chemin. S'il y a un jugement de fait là-dedans, c'est pas sur le sujet central de l'excision, c'est sur le patron des Chinois. C'est la seule personne qui a véritablement une image de méchant, mauvaise de image de là-dedans. Image. Sinon, ben, c'est sûr que... je m'en fais pas voir là tous les fois. Tu vois, ce que j'avais envie de dire aussi, on s'entend que, tu sais, on en aurait pris plus, c'est... Il y a pire défaut que ça pour une BD, là. Oh, ouais. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, avec Aujourd'hui, t'as un beau jour pour mourir, et ce qui n'est pas le cas non plus avec Ces jours qui disparaissent. Mais bon, vous allez voir, je fais même pas de transition, tu sais, je suis en vacances, là. Faut arranger, là. J'ai envie qu'on parle de Ces jours qui disparaissent tout bonnement, parce qu'il y a quelque chose. La cohabitation interne avec les deux, c'est pas ça m'a évoqué, bon, au-delà de l'histoire, parce que moi, on peut pas trop en révéler sur, évidemment, où tout ça s'en va, mais Peut-être parce qu'aussi, bon, dans mon background familial, justement, il y a eu, bon, des cas d'Alzheimer, des cas de... Et c'est cette peur constante-là qui habite, de dire, cette peur d'en perdre un bout. Bon, là, c'est pas pour une maladie comme ça, mais... Qu'est-ce qui s'est passé toute cette journée-là, tout ce parce que là on a quelqu'un qui sait carrément ça là, puis et s'ajoute à tout ça une multiplicité de situations, de quiproquos qui découlent, je veux dire, pas se réveiller dans le mauvais appart avec quelqu'un qu'on connaît pas. Ça t'est jamais arrivé. Non, c'est jamais. Moi non plus. J'ai fait montre de modération dans ça. Mais non, c'est cette situation-là, mais c'est-à-dire, tu sais, on est à un point, puis d'un coup, on reprend conscience qu'on est là, mais on n'a aucune idée de pourquoi, de comment, de qu'est-ce qui se prend. Puis là, encore plus, le drame est d'autant plus grave, parce que là, bon, on se rend compte que c'est quelqu'un d'autre qui vit notre vie pendant ce temps-là. Mon Dieu, le désarroi, là, je veux dire, je peux pas m'imaginer. Fait qu'il vit notre vie, puis à un moment donné, on en vient à se questionner presque, est-ce que c'est encore ma vie, finalement, là, à force d'en perdre comme ben ça. Surtout là, qu'on en perde de manière progressive, là aussi, parce que plus lui en perd, dans le fond, plus on sait ça, là, tu viens te demander, bon, au début, c'est un pour un, il y a quand même moyen d'avoir une certaine entente, une certaine, justement, cohabitation, mais quand c'est rendu, tu perds une semaine, tu perds un mois, tu perds un an, ça commence à être compliqué, là. Mais ici, dans l'album, par contre, autant ici, dans Un petit bout d'aile, il n'y avait pas de parti pris. Dans celui-là, j'ai senti qu'il y avait un parti pris. Parce que on nous présente principalement la vie d'une des deux personnalités dans l'album. Et ça nous déchire de voir que cette personne-là qu'on apprécie, qu'on a un certain lien de affectif avec lui, qu'il va perdre sa vie au fil du temps. Puis on va voir tout ce qu'il perd dans sa vie. Puis... près du trois quarts de l'album, il y a une rencontre avec le psychologue qui nous présente les choses d'une façon plus objective, si on veut. Et là, ça nous confronte. On dit, OK, qu'est-ce que je dois penser de tout ça? Là? Je trouve que l'une des grandes forces de cette bande dessinée-là, c'était la deuxième fois que je la lisais, puis je trouve encore que c'est hallucinant là, comme récit. Il y a deux manières de la lire. La première fois que je l'ai lu juste comme un récit de SF avec suspense. Puis là, on passe à travers. C'est où que ça va nous mener, cette histoire-là, parce que c'est un peu fou quand même comme concept. La deuxième fois, on se met à réfléchir un peu à tout ce qui arrive. Ce que vous dites là est intéressant. Entre autres, ben, pas principalement le point de vue d'une seule personne, c'est uniquement le point de vue d'une seule personne, d'une des deux personnalités, la première qu'on rencontre. Et en y repensant, je me rappelle plus, autant Timothée Le Boucher, je crois. Oui, c'est ça. Il maintient son point de vue constamment. Entre autres, cette scène-là me faisait réfléchir sur le fait que oui, le personnage explique un élément qui peut être fort plausible, et on ne sait pas à la fin si c'est effectivement le cas. Ça peut être le cas, mais comme il prend le point de vue d'une des deux personnalités qui est nettement plus, manifestement plus exubérante que l'autre, le psychiatre, oui, explique quelque chose de manière objective, mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans les traits, il a l'air méchant. Donc, on voit le point de vue du personnage. Pour lui, c'est pas quelqu'un de gentil, ce psychologue-là. Je trouve que c'est intéressant l'idée que le point de vue peut fausser notre perception de la réalité. Et l'autre élément, c'est... puis là, tu vois, Edouard, toi, t'amenais l'idée que ça te faisait penser à des choses que tu as vécues sur l'Alzheimer et tout ça. Pas trop personnellement, mais membres de ta famille. Moi, je l'ai amené sur d'autres choses. C'est l'idée de l'importance de vivre les moments. Ça me rappelle un peu les philosophies de Sénèque quand tu parles de bien vivre, bien mourir. Donc, ce personnage-là vit intensément chaque moment de sa vie parce que plus il avance dans le temps, moins il en a. Mais chaque journée, il voit tous ses amis, il passe énormément de temps de qualité avec eux. L'autre personnage, qu'on voit évidemment toujours du point de vue le personnage principal, lui a une carrière, une vie bien rangée, tout ça. Donc, on peut avoir ce parti pris-là également de la leçon de comment bien profiter de son temps finalement quand on en a peu. Oui, puis en fait, ironiquement, c'est peut-être aussi que le malheur là-dedans devient teinté, et ça, ça ressort doublement à la deuxième lecture, où dans le fond, les moments de bonheur, les éléments, c'est toujours teinté de la chute. Enfin, on revient à ce qu'on disait avec le perroquet aussi, où, au final, où dans le fond, le bonheur est là, il est palpable, on peut le vivre pleinement, mais il y a toujours l'image de l'épée de Damoclès qui, la chute dans le cas du perroquet, dans le cas de ces jours qui disparaissent, ben, la disparition pour une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans, donc qui demeure, et ce qui fait qu'on n'est jamais capable. En fait, du moins moi, je veux dire plutôt que le « on », mais comme lecteur, c'est plus difficile d'apprécier ces moments-là parce que nous, on a aussi ce goût-là, cet élément-là, ce spectre-là qui lorgne, et on l'a dès le départ, à la deuxième lecture aussi, où les moments de vie empruntée, finalement, si on accepte la proposition qui est faite par le psychologue, si on accepte le fait qu'on n'est pas devant un narrateur fiable, qui a un point de vue objectif, et donc que de facto, l'histoire qui nous est peut-être proposée et l'histoire qui est peut-être fiable, ben, ça teinte aussi toute la lecture de l'album et tout le bonheur et tout ce que prépare ce personnage-là dès le départ, plutôt qu'à la mi-parcours, dans le fond. Ça gagne à une deuxième lecture, en fait. Cette BD-là qui est déjà géniale le premier coup. Là. Marco? Pour celle-là, moi, elle m'a moins touché au niveau de l'histoire, mais narrativement, encore une fois. quelle surprise! Le mot du jour! Celle-là... D'abord, je trouvais l'idée géniale, une journée sur deux, tu perds une journée, etc. Et moi, c'est graphique, ça se passe dans ma tête. J'imaginais déjà une BD avec l'histoire qu'on nous raconte, mais j'insérais une case vide entre chaque journée, entre chaque... Et là, dans ma tête, quand je le faisais la première lecture, je mettais la case vide. C'est comme si je mettais un espace en me disant « OK ». Là, je vais essayer de remplir l'autre histoire. Parce que, aussi, il y a une autre histoire. Ouais. Tu sais, tout le truc, là. Avec. Et je trouvais que la manière dont c'est raconté et la manière dont je me le racontais, c'était joliment bien fait. Parce que c'est fait pour ça, en fait. La façon dont il le raconte, là, c'est fait pour ça. Alors, ça, effectivement, narrativement, le scénario m'a vraiment, encore une fois. Mais. Pour ce qui est du truc de l'histoire, j'ai moins accroché au personnage. Mais ça serait peut-être une expérience d'ailleurs intéressante de refaire la BD, oui. La perspective évidemment de l'autre côté du miroir, un peu comme on voit dans... Tu l'appelles ces jours qui apparaissent. Secrètement, chez moi, le soir, avant d'aller dormir, je me dis, il va probablement y avoir un deuxième tome... Ça serait bien, je pense. Non, mais ça serait drôle, mais ça enlèverait peut-être, en fait, un peu comme on dit. Oui, c'est sûr qu'il y a un phénomène d'attachement, quand même une subjectivité dans l'attachement. C'est un peu Blast de l'arsenal. C'est un peu Blast avec cette histoire de ce personnage qui raconte des trucs. Et là, il nous raconte sa version du truc, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et on l'apprend plus tard, là. Mais c'est un peu ça, là. Et en fait, donc, BBD qui... en fait, c'est beaucoup... moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est beaucoup des premières lectures, sauf celle-là, qui était celle sur laquelle on revenait. Puis c'est toujours intéressant avec les clubs, justement, l'opportunité qu'on a de redécouvrir un album. C'est d'autant intéressant quand on a l'occasion de découvrir un album. Et des fois, des albums aussi qui... j'ai l'impression que tout le monde a échappé. J'ai envie de dire tout le monde, parce que j'ai fouillé sur Internet sur le prochain titre et j'ai pas trouvé tant de choses non plus. Alors, je me dis, il y a quand même pas mal de gens qui ont échappé. Et là, c'est l'étape où Yves et moi, on vole les... Oui, mais non, mais c'est bien, vous faites bien ça. Moi, je trouve ça convaincant, mais au-delà de ça, parce que on encore une fois, c'est parce que je veux pas trop en révéler sur ces jours, si c'est pareil, j'ai bien peur de voler des punches, mais c'est aussi parce qu'on, comme je disais depuis le début, moi je parle d'identité, je parle qu'on est toujours, mais c'est aussi, tu sais, comment notre identité, comment notre personne réagit au drame, ou quand on est confronté à l'ultime, parce que dans ces jours qui disparaissent, encore une fois, quand ils sont trop en révéler, il y a un peu de ça derrière tout la mécanique, en fait, de tout ce qui tient le scénario. Si aujourd'hui est un beau jour pour mourir, c'est purement et essentiellement ça, là. C'est se découvrir face à un malheur qui est inévitable, qui s'avance de plus en plus, qu'on voit avancer vers soi de plus en plus, et comment on va se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'on est un héros? Est-ce qu'on est un lâche? Est-ce qu'on pense à soi? Est-ce qu'on sacrifie pour les autres? Au-delà de ça, juste pour, je pense, amorcer le point, moi, parce que aujourd'hui est un beau jour pour mourir. Je l'ai dévoré à très petite dose. J'ai été chanceux, j'ai pu l'étirer sur pratiquement une semaine, à petit moment, pour comme laisser retomber à chaque fois la poussière des moments de vie, de qui l'auteur, qui le patron d'entreprise et tout. Et à mon humble avis, moi, je pense que c'est une des meilleures BD qui a été publiée cette année. Toutes catégories confondues, moi c'est sûr qu'a fait mon palmarès, j'ai trouvé ça absolument, absolument, absolument éblouissant. Ouais. Effectivement, écoute, c'est un roman. Ça a la densité d'un roman. C'est une série télé, c'est une saison complète. Tu sais, je lisais ça, là, puis ça me rappelait, au niveau du scénario, mais de la manière dont c'est construit, ça me rappelait des séries télé que... Bon, je fais rien que ça dans la vie quand je lis pas de BD, mais à un moment donné, il y a des séries de politique-fiction, trailers politiques et tout, puis tu as 10 épisodes dans lesquels un scénario complexe, une intrigue sur plusieurs plans, et ça, là, c'est exactement ça, c'est abordé de cette façon-là. Et c'est d'une densité, mais incroyable aujourd'hui. D'une densité incroyable, mais avec suffisamment, dans le fond, j'ai l'impression, de changement de rythme, de personnage, que chaque personnage amène un peu sa nature relationnelle, son type de dialogue. Donc, ce qui fait que ça pourrait être dense. Et moi, contrairement à toi, je l'ai fait d'une claque. Et j'ai pas senti justement une lourdeur parce qu'on change à toutes les 2-3 pages de style, de genre, de mode de dialogue, de mode de relation, de nature d'intrigue entre le vieil auteur qui essaie de se retrouver, qui essaie de retrouver une inspiration après une catastrophe personnelle, aux côtés des scientifiques qui sont plus dans la recherche de virus, les complots internationaux, la petite relation intime que tu as avec un restaurateur que tu croises à chaque jour. On voit vraiment avec une variété d'intrigues, et chaque intrigue aussi a son paiement, si on peut dire, au final, a le droit d'évoluer et a pareille attention, parce que chaque intrigue, finalement, a autant d'importance face à la situation globale qu'on nous présente dans ce livre-là. Donc, on réussit, avec ce mécanisme-là, à justement garder, créer et soutenir un rythme, je trouve. Écoutez, public en délire, avez-vous encore une heure devant vous? Parce qu'on peut facilement en parler longtemps. C'est parce que cette BD-là, moi, elle m'a sidéré là, dans sa construction d'abord et avant tout. Pour reprendre l'expression que Marco a déjà eue souvent dans d'autres clubs de lecture, sur le BD, sur la bande dessinée, à certains égards, je trouve, dans sa construction, elle invite à différents niveaux de lecture dès le début. Premièrement, le plus facile, celui qu'on parle depuis tantôt, il y a un condensé dans le scénario, dans l'histoire, il y a un condensé d'à peu près tous les mots du 21e siècle, selon moi. C'est la grande entreprise, le gouvernement qui monte tranquillement pas vite vers le totalitarisme, la dépression dont on a l'idée de génie de faire une épidémie en soi, une pandémie. Donc, on fait un condensé de ça, et puis on nous en parle à travers tous ces personnages-là, mais c'est également hyper constructiviste, je trouve, dans le sens où il y a énormément de réflexions sur la bande dessinée et sur le processus créatif en tant que tel. Donc, tant au niveau des personnages principaux qui sont des musiciens, les changements de planche quand on change de narrateur, donc quand c'est le chuchoteur qui prend le contrôle de la télévision, quand c'est l'auteur qui raconte à sa fille ses idées là, et tout ça. Et il y a énormément de clins d'œil, d'ailleurs, l'auteur, je trouve, fait beaucoup de comparaisons entre le 9e art et le cinéma. À commencer par le titre, qui n'est pas sans me rappeler la phrase de Kiefer Sutherland au début de Flatliners, « Quelle belle journée pour mourir », c'est la première phrase qui est dite dans ce film. Et également le titre du chapitre 6 qui me rappelait, Rick, qui me rappelle un film catalan, justement, là, donc... C'est ça. Il y a plein de clins d'œil au cinéma, mais ce que je trouvais drôle en réfléchissant, on dirait que même que l'auteur peut faire un pied de nez au cinéma quand le chuchoteur prend le contrôle de la télé, où il nous met des dessins qui sont figés, mais qui fitent symboliquement avec ce qu'il dit, Mais si on voyait ça au cinéma avec aussi autant de temps que ça prend pour le lire, ça marcherait pas. Mais dans la BD, ça marche. Ah ouais. Comme s'il disait, regardez, on a une longueur d'avance. Puis à la toute fin, avec la mise en abîme là, qu'il fait de se mettre lui-même en scène, je trouvais ça magnifique. Mais bon, c'est une bande dessinée que je trouve extrêmement difficile à lire au niveau émotionnel, intensité, mais qui finit, puis je trouvais que c'était son coup de génie, qui finit, c'est un auteur qui, au lieu de nous laisser dans le plus profond désespoir, parce qu'il pourrait, il propose des solutions, hein, et sur la pandémie, et sur, ça c'était une des scènes que j'ai trouvées les plus hallucinantes, c'est la bande de truands là, qui ont tué qui ont volé le livre et tout ça, puis là il y en a un qui se met à raconter c'est quoi la fin, puis là j'ai fait comme, mon Dieu, mais il est en train de proposer une solution au système dans lequel on vit, puis ça fait du sens. En tout cas, c'est hallucinant comme monument de BD, là, selon moi, c'est un pavé qu'il faut lire absolument, effectivement, je suis assez d'accord avec Edouard. Tout à l'heure, tu disais, OK, ben, vous avez lu ça d'une manière différente, sur un condensé de temps ou bien sur un étiré du temps. Mais là-dedans, il y a un paquet de petites perles que, quand ils sont dites comme ça, là, si tu t'arrêtes pas un peu pour y réfléchir, là, tu vas passer à côté. Là. Il y a celui qui est le tueur en série là-dedans, entre autres, là. Il est assez cynique sur notre société. Ouais. Il sort des phrases comme ça, là, puis tu te dis. Là, tu peux t'asseoir et penser, dire effectivement, si ça provoque une réflexion sur l'état de notre société, la façon dont on vit. Puis, tu sais, tout à l'heure aussi, on parlait des personnages, comment que eux autres, ces personnages-là, vont réagir à la situation. Mais il y a un personnage important là-dedans, c'est la société elle-même. Ouais. Comment la société elle-même voit tout ça se passer sans. On dirait que. C'est un monde qui subit plus que de réagir contre ça, puis de pouvoir s'en sortir. Non, c'est comme une série de moutons, puis ils vont s'envoyer à l'abattoir. Puis... Mm-hmm. On le voit pas à travers les nouvelles, justement, où c'est amené. Ça vient ponctuer un peu, où on se rend compte, effectivement, comme tu dis, qu'on le vit comme une télé-réalité sur une chaîne d'information. Puis c'est comme si on n'avait pas de pouvoir individuel sur un mouvement social. Dans ce cas-ci, une pandémie, dans d'autres cas, on peut faire des parallèles. Et je te rejoins sur le point que j'ai terminé la BD en me disant, ben là, si j'avais du temps, oh là, il faudrait que je la relise ou que j'amorce une relecture parce que ce condensé-là doit être pris à plusieurs doses parce qu'à un moment donné, on finit comme lecteur à porter attention sur un élément ou un autre qui va peut-être nous rejoindre un peu plus particulièrement dans l'état psychologique dans lequel on est, mais il y a plusieurs autres choses qui peuvent en ressortir ou être mis de l'avant. Et ce qui fait la force aussi de cette BD-là, c'est ces truffées de références, ces truffées de réflexions. Ouais. Il y a des personnages, j'aurais presque envie de lire l'histoire des personnages séparément, éventuellement de la relire, mais d'aller profiter, d'être puisé de manière différente à cet album-là. Surtout, puis je pense que Monsieur Bergeron évoque aussi un point, c'est justement quand on parle aussi du chuchoteur, même le chuchoteur qui essentiellement est là pour essayer de réveiller l'apathie des gens devient, malgré lui, une espèce d'entertainment. Là, c'est comme, ah, ça va-tu se rendre jusqu'à 100? Ça va être quoi la prochaine? Puis le bout, il essaie de le virer en publicité. Puis quel message on pourrait ressortir pour publicité? C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'utiliser ça pour faire vendre des trucs après? Même ça, c'est... le troublant dans tout ça, bon, au-delà de la coupe de cheveux à Jérôme... C'est qu'on y est. Ils ont enlevé le ciseau. Ouais, non, c'est fou en plus. Non, blague à part, c'est qu'on y est. Je veux dire, comme on disait, je veux dire, le contexte, la précarité des emplois qu'on tire au sort, comme dans les années 30, la compagnie, sans scrupule, tout ça. On pourrait aborder ça vraiment comme disant, oh, c'est le moment SF, futur proche, tu sais, puis post-apo, non, c'est une chronique de notre temps, puis une prospective très, très, très, très proche de comment ça pourrait s'en aller, là. Mais en fait, pour la première fois, c'est le premier récit, en fait, pré-catastrophe. Je disais, non, mais... Pré-apocalypse. Pré-apocalypse, habituellement... ce qu'on nous présente, peu importe ce que sera l'apocalypse, elle va être zombie, mais peu importe ce qu'elle sera dans l'avenir, le virus, la destruction par la guerre ou les zombies, peu importe. Chaque fois qu'on nous la raconte, c'est que dans le générique, on nous met quatre images, là, le temps avant, l'explosion et les zombies après, là, et tout ça. Ou trois, quatre nouvelles qui ont donné, ah, il y a eu une fièvre, là, une grippe, les émeutes, bang, l'apocalypse. Ouais. Et ça, cette histoire-là nous est racontée en quatre images ou cinq minutes de générique pour nous donner qu'est-ce que le monde pendant la catastrophe ou après la catastrophe. Mais si c'est la première fois qu'on nous raconte comment ça se passerait vraiment avant. Et visiblement, c'est assez réaliste parce que on la voirait pas venir, là, la catastrophe, là, parce qu'on est inondé de ces images-là, soit de fiction ou même aux nouvelles et tout. Et effectivement, pas qu'on s'en foutrait, c'est parce qu'on y croirait pas, tout simplement. On est blasé de tout ça. Et la beauté du bouquin, c'est effectivement, c'est que c'est, on nous montre que c'est vécu par chacun des humains qui peuplent notre société à différents niveaux. Et c'est pour ça que c'est ardu à lire parce que c'est dense, mais en même temps, le scénario nous montre qu'est-ce qu'un scientifique, un artiste, un musicien, un politicien, un tueur en série, les pires, les... Et tout ça nous est montré. Et comment eux, ils vivraient au moment où ça arriverait. On s'en fout de qu'est-ce... Parce que tout le monde vient pareil. Là, dans Walking Dead, c'est l'après-apocalypse et tout le monde est en période est en mode survie. C'est une des lectures que j'avais aimées de cette bande dessinée-là. Amy, tu vas me dire, bon, je devrais retourner voir mon médecin. C'est qu'à la fin, quand je l'ai fini, ça m'a fait penser aux danses macabres qu'il y avait à la fin du Moyen-Âge, justement, quand la peste est revenue. Les danses macabres qui montraient que devant la mort, devant la peste, on est tous égaux. D'ailleurs, un des premiers morts importants qui est annoncé, c'est le pape, là. Mais ce que je voulais en dire, d'ailleurs, c'est une bande dessinée espagnole, hein. D'après moi, pour les Espagnols, ça a dû avoir énormément de résonance. Premièrement, le régime franquiste, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est fini, en 75, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un gouvernement totalitaire qui a duré quand même très longtemps. Puis, l'auteur a écrit ça alors qu'ils étaient en pleine crise économique. Je pense que ça a été dans ceux qui ont été le plus touchants en Europe, là, de manière intense. Lui, il parle là-dedans de 62% de chômage, mais là, on n'est pas... C'est pas le présent qui est compté là-dedans, c'est le futur, mais qui est pas si lointain que ça, parce que en dehors des quelques moments où on voit, ça nous prend une passe pour passer d'une zone à l'autre de la ville, le paysage est à toute fin pratique le même qu'on a maintenant. Hein. C'est ce qui est la chose percutante encore. C'est un futur pas si lointain. Un futur pas si lointain, puis avec un mot qui est... peut-être moins ludique que les zombies, par exemple, où on peut s'imaginer qu'il y a une part de fantastique, mais quand on dit que le mal du siècle, c'est la dépression, c'est les maladies, le mal de vivre, au bout du compte, ben, est-ce qu'on est dans le faux à ce point-là quand on regarde après ça les nouvelles, puis que tu lis le journal, puis ça te parle d'éco-anxiété, que ça te parle de dépression, que ça te parle de... Je veux dire, on n'est pas loin de ça, et c'est ce qui... Ça rentre un peu dans... C'est ce qui... Un des éléments qui fait peut-être que cette... Ce récit d'apocalypse-là résonne aussi, ou a résonné pour nous de cette façon-là, parce qu'il met le point aussi sur des éléments qui sont actuels dans une vision du monde, qui est aussi actuelle, où on ne voit pas nécessairement le monde comme évoluer vers du beau, vers du bon, comme c'était le cas quand Marco était jeune. Mais dans le fond, on retrouve un peu ces ténèbres-là, mais où on est moins dans une apocalypse environnemental, comme on s'imagine beaucoup dans les derniers temps, mais là, on y va avec l'apocalypse psychologique, au bout du compte, où les gens, tranquillement, venaient à s'éteindre par eux-mêmes parce que le mal de vivre nous emporte comme société, parce qu'on n'a plus de X projets communs ou individuels, ou etc. Donc, les éléments qu'on n'amènera pas dans la discussion nécessairement, mais qui sont intégrés dans l'épilogue, justement. Et tout le monde nous surprend un peu là-dedans. Oui. Hein? Tous les personnages nous surprennent d'une manière ou d'une autre. C'est une autre des grandes beautés de ce récit-là. Mais c'est intéressant que tu soulignes ça, parce qu'encore une fois, je pense que ça fait bien la tête de pont avec ce que je disais, c'est que face au drame, Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les séries, justement, encore là, post-apocalyptique. Le chef, celui qui organise, ou celui qui survit, ou celui qui... On ne sait pas, ça va être qui, c'est pas nécessairement la figure d'autorité, c'est pas nécessairement le policier, c'est pas nécessairement la personne dont on se dit, ah, ça va être évident, c'est lui qui va prendre le contrôle. Non, quand tout d'un coup, les repères, les lois, tout ce qu'on entend partent à volo, ben là, t'es confronté à toi-même, t'es confronté aux autres, t'es confronté à ta propre survie. À partir de là, à moins de l'avoir déjà vécu, comment te placer par rapport à ça? Et je sais, pour avoir eu la chance de discuter beaucoup avec d'anciens soldats, d'anciens militaires, qui l'ont raconté aussi, qui disaient ça. C'est pas le gars dans le dortoir qui se vante, puis qui bien souvent c'est lui qui est couché dans le fond de la tranchée puis qui tremble au début. On peut pas savoir qu'est-ce qu'on ferait face à quelque chose comme ça, et c'est pour ça aussi que je trouve que les personnages tellement beaux, tu sais, comme l'auteur, je veux dire, c'est un trésor de personnages absolument éblouissant, mais tu sais, dans toute sa simplicité, dans toute juste son honnêteté, sa force, tu sais, c'est pas un pillard, c'est pas un combattant, c'est juste un auteur, mais qui amène tellement, là-dessus, j'abonde aussi dans votre sens, parce que je pense qu'on pourrait en parler une semaine, on ferait pas le tour. Hein. Je sais pas si je dévoile quand même le nœud de l'intrigue en disant que l'auteur essaie de nous faire prendre conscience que il faut avoir notre propre raison de vivre. Il faut que en dedans de nous, on puisse savoir ce qu'on veut dans la vie, puis tout à l'heure, on parlait de vivre intensément dans ces jours qui disparaissent. Mais là-dedans aussi, ceux qui survivent, c'est ceux qui ont leur propre raison de vivre, puis qu'ils vont tout faire pour essayer de vivre cette vie-là. Et non pas de rester comme un observateur de télévision ou de subir ce qui se passe autour de lui. Non, c'est des gens qui agissent qui s'en sortent là-dedans. L'auteur qui fait la recherche de ses lumières pour pouvoir écrire, lui, ça le motive. Et le musicien qui cherche à faire sa maquette, lui, c'est ça qui le drive. Puis s'il n'y aurait pas arrivé d'autres événements, il s'en serait sorti. Là, mais finalement, je pense que ça, c'est une façon de nous provoquer, un peu comme le fait le chuchoteur ou comme dans V. Tu sais, le. V pour un auteur. Oui. Ouais. Essayez de dire au monde, réveillez-vous, là. Ouais. Faites de quoi de votre vie. Puis, je pense, s'il y a de quoi de motivant là-dedans, c'est ça, là. Que dire de plus? Avoir des doutes pensés en avant de cette BD-là, j'aurais presque envie juste... en fait, je mentionnais tantôt, et passé un peu sous le radar, c'est l'impression que j'en ai personnellement, du moins dans sa version francophone. J'ai pas fait des recherches pour la version originale. Mais merci Yves, sérieux, d'avoir pointé spécialement... toutes les sélections étaient vraiment intéressantes, mais celle-là, je pense qu'elle a fait un effet assez fort sur un peu tout le monde. On s'en parlait un peu avant aussi. Et c'est sincèrement une BD qui va être dans mon palmarès aussi de 2019. Ça, c'est clair. En plus, qu'elle est sortie en 2019. Donc, elle est éligible à être dans mon palmarès, officiellement. Mais c'est quelque chose de fort. Et c'est un auteur qui arrive un peu de nulle part aussi, ouais, avec cette histoire-là. 380 planches, en partie improvisées, en partie planifiées. D'arriver comme ça, ça me fait penser à d'autres BD qui ont pris le monde par surprise et qui sont retrouvés chez les étaux de tous les libraires et au-delà. Mais qui mériterait peut-être d'avoir une résonance aussi importante de par la nature des propos qu'il amène. Et on a très peu parlé du visuel là-dedans aussi, mais je veux dire, une recherche quand on parlait du scénariste, de l'auteur qui invente des histoires, chaque histoire qui raconte un peu sa teinte, il se permet des pages où essentiellement c'est pratiquement du Walensky avec du blanc sur fond blanc au début. On joue avec le style graphique, on sent qu'il y a un côté presque peinturé un peu là-dedans. Donc, on n'a que parlé pendant je ne sais pas trop combien de minutes du scénario, mais on pourrait faire la même discussion avec le visuel. Et donc, ce qui me fait dire que Colo, vraiment, comme auteur, il arrive avec quelque chose de complet, ce type de publicité, ben oui, marketing qui arrive avec ça. Je veux dire, mon Dieu, c'est comme quoi qu'il faut garder l'œil ouvert aussi sur les 5000 quelques BD qui sortent annuellement, et on va trouver des bijoux comme ça. C'est génial, ça. C'est... En fait, l'éditeur est assez... On a accès à cet éditeur-là depuis peu de temps. Les longs becs, que ça s'appelle. Les longs becs. Et ils sont arrivés avec une production effectivement hispanophone, de traduction et d'auteur qui sont d'Espagne. J'ai imaginé, là j'ai pas fait de recherche, mais j'ai imaginé que là où ils étaient situés en France, c'était pas loin de peut-être la frontière et tout. Bref, ils sont arrivés avec des produits de qualité, des auteurs d'une maturité incroyable. Donc effectivement, ça cette année. Alors, sont à surveiller. Voilà. Ah ben, on a-tu parlé de l'aveugle qui accroche une peinture à l'envers dans son appartement? Ça me fait penser, c'est ça, quand tu me parles de ça, quand tu as montré les doubles planches, on voit du point de vue de l'aveugle. Et d'ailleurs, ça devait être assez terrifiant quand on voit comment c'est fini. Mais bon, cette BD-là est truffée de dialogues absolument magnifiques qui ne font pas nécessairement avancer l'histoire en tant que telle, dont l'aveugle qui accroche toujours volontairement son tableau de Picasso à l'envers. Et puis, on parlait tantôt de la musicienne qui parle toujours avec son restaurateur. Ils s'échangent, ils se font des défis vrais ou faux. Là. Ah, c'est truffé de la force de la vie. Oui, c'est ça, exactement. C'est puis c'est 380 planches jamais ennuyantes, même si justement, c'est des scènes comme ça. Là. Alors, que dire de plus sur cet album-là, à part, en fait, lisez-les, en fait, de façon générale. Je reviens sur peut-être les titres dont on a parlé aujourd'hui, donc pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous écouteront en balado. Alors, aujourd'hui est un beau jour pour mourir de Colo, c'est aux éditions du Long Bec. Lisez-le, en fait, donc la couverture pour ceux qui sont à distance. Sinon, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, donc c'est chez Glénat. Vous avez donc un tout petit bout d'aile de Zidrou et Raphaël Bouchot. C'est chez Lombard, au Lombard également. Et donc SP chez Glénat avec Le Perroquet. Donc quatrième des titres qui, je le rappelle, pour cette édition du Club de lecture, nous ont été proposés par le collectionneur BD Yves Bergeron. Mm-hmm. Yves, merci beaucoup d'avoir participé. Merci Yves. Et pour répondre à la question que tu m'avais pas demandé... parce que Yves est client ici, on a souvent des discussions, et un jour il m'a posé la question, c'est un amateur de BD, il en achète beaucoup, et à un moment donné il m'a dit, oui mais Marco, pourquoi tout ça? Alors c'est ça, c'est ça ma réponse, c'est pour pouvoir la partager, et c'est ça que tu as fait ce soir avec nous, et c'est ça qu'on fait, voilà. Le reste, je pourrais te l'expliquer. Alors, je rappelle tour de table. Donc, Jérôme Vermette, merci. Merci à toi. Édouard Tremblay, merci. Merci comme toujours, un grand plaisir. Marco Duchesne, merci. Raymond Poirier au micro. Le prochain rendez-vous pour le club, ça va être le 12 août. Et comme le 12 août, ben, on achète un livre québécois, ben, ça sera donc un spécial Québec avec des propositions qui seront faites par la journaliste au libraire Isabelle Beaulieu. Donc, il sera avec nous. Donc, le 12 août à 17h30 ici à la succursale rue Saint-Jean de la librairie Pantoute. Merci à tous et toutes d'avoir été là. Merci.